بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. Donc, le dernier dars qu'on a pu voir, c'est le cours de la leçon numéro 9, qui a tourné autour, et elle était simple. Tout le monde. Leçon numéro 9. On avait vu Inda. Tout le monde. C'est quoi Marna Inda? Tout le monde. C'est quoi Inda? Darfu, Makan. Darfu, Makan. Ou. أو زمان. سواء pour le lieu soit pour le temps. تقول يعني مثلا جئت عند طلوع الشمس. Je suis venu au moment où le soleil s'est levé. Donc ça c'est quoi? C'est le lieu. C'est plutôt le temps, je veux dire. Et مثلا tu dis يعني أين عبد الله؟ مثلا تسأله أين عبد الله؟ تقول هو عند المدير. هو عند المدير. Il est auprès du مدير. Il est à côté du مدير. Comme ça. Donc là tu exprimes عند pour يعني pour exprimer un lieu. تمام عند المدير. Et on avait vu كذلك. Qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on a vu en plus? Est-ce qu'on a l'an? L'an. L'an. Darfou, Mekan aussi. Darfou? Mekan, non? Là, Mekan, c'est lieu. Zaman. Darfou, Zaman. Là, c'est Zaman. Quand tu dis L'an, maintenant. Maintenant, c'est pas un lieu. تمام سال تام تمام. on a vu كذلك أن اللام تمام on a vu اللام lorsqu'il rentre dans الال مثلا tu veux dire للمدير qu'est-ce qu'on avait dit qu'est-ce qui se passe مثلا lorsque tu veux entrer لام الجار لام الجار lorsque tu veux rentrer dans un mot qui est défini par ال المدير tu veux dire يعني هذا الكتاب للمدير يعني c'est pour le مدير. Comment? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la hamza, tout l'ouest, a sauté. Tout le monde a disparu. À l'écrit. Tout le monde. À l'écrit, à l'oral. L'île Moudir. Tout le monde. Là, on va lire l'exercice numéro. Le 3. Alaykoum salam wa rahmatullah. L'exercice numéro 3. Carrière. Il y a une nouvelle petite leçon par rapport au numéro 3. L'exercice numéro 3, lorsqu'il dit Iqara li. Car 53. Verset numéro 3. En vérité, c'est une leçon. Il nous dit Iqra Ali. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. Donc l'élève qui vient de sortir, l'étudiant qui vient de sortir, yani à présent de la classe, vient de l'Indonésie. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Le livre qui est sur le bureau appartient au مدرس, au professeur. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. À qui appartient ce beau stylo qui est sur le bureau? Donc le yani la grande maison. Hein? لمن هذا القلم الجميل ou لمن هذا القلم الجميل؟ الجميل. لمن هذا القلم الجميل؟ الجميل. الجميل. C'est Djamili. Il nous dit les manhars, n'était-ce pas le bayt al-kabir alladhi fi dhalika ash-shari' lil-waziri. Lil-waziri. Donc yani cette grande maison qui est dans cette rue-là, sur cette rue-là, tab elle appartient au ministre. As-sarir alladhi fi ghurfati Khalid maksour. Le lit qui est dans la chambre de Khalid, il est cassé, ou bien il est cassé. Là, il va nous apporter un nouveau point qui est alladhi. Tamam. Alladhi, on va le voir inchallah, c'est un ismu mawsoul. Pronom relatif, je crois, disons en français. Pronom quoi ? Relatif, je sais plus quoi. Comme ça, Allah. Il y a une relation avec ce qu'il y a avant et après. Tamam. Le livre qui est kada kada. Tamam. Là, on va voir alladhi. Tamam. Oktobo, c'est quoi ? C'est un ism mawsoul. للمذكر المفرد اسم موصول للمذكر المفرد تمام اوكسي انا موصول pour faire la liaison تمام موصول c'est la chose qui va te permettre de faire la liaison وصلة pour ça on dit am hamza al wasl ça vient du même verbe c'est quoi وصلة يعني pour lier une chose je sais pas si en français ils disent relatif ou je sais pas quoi la voilà C'est pour lire une chose à une autre. Tamam. Maintenant, comme il a dit, Al-Kitabu al-Ladhi al-Maktab. Tamam. Al-Ladhi, c'est pour faire une liaison entre, comment ça s'appelle ? Maintenant, tu vas dire Al-Walad. Tamam. Il va dire quel Walad ? Al-Ladhi Kharaja. Tamam. Celui qui vient de sortir. Là. C'est comme tu veux dire celui ou je ne sais plus comment tu sors, tu vois. Le kitab, celui qui est sur le machin kata kata, tu vois. Tamam. Après rapporter ça, ce mot-là, il est mabni. Tamam. Et le deuxième, remarquez. Wa huwa min al-ma'arif, min al. Donc, huwa mabni, c'est quoi mabni? Huwa mabni, la yataharrak, la harakat. يتحرك كذلك مستشفى ما يتحرك حركة يعني هذا لا يتغير ولو دخل يعني ب لغير اسمه دخل أي عام هو مبني وهو من المعارف donc il fait partie des mabni il fait partie des choses qui sont définies ils font partie il fait partie des choses qui sont définies C'est-à-dire que si jamais une chose elle est nakira, t'es même avant, elle est indéterminée, tu peux pas ramener ça pour déterminer, tu peux pas ramener ça, parce qu'il faut que ça, comment ça s'appelle, ça corresponde. J'ai dit, il fait partie des choses qui sont définies, t'es même. C'est-à-dire que maintenant, là, à chaque fois, il disait maintenant al-kitab al-ladhi fil machin, t'es même. Al-kitab al-ladhi. C'est obligé, puisque lui, Aslan, il a une relation avec ça là. T'es en train de préciser cette chose là, t'as même. Et lui, il est quoi? Il est défini. C'est-à-dire qu'il ne peut que venir. Il est précisé. Ouais, parce que c'est Al-Kitab. Maintenant, c'est Al-Kitab. Là, il vient précise plus. Il dit Al-Ladhi Fiesh. Si vous verrez, en vérité, ça c'est. Ce mot là, Yannick, c'est plutôt une chiffre, t'as même. Ce qui vient caractériser. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as même. Maintenant, tu dis Kitabun. Tu veux préciser, Yannick, qu'il est sur le barclafic, sur le maktab. Tu ne peux pas dire kitabun al-ladhi, kitabun il-ladhi. Là. Parce que celui-là, il vient caractériser. Comme on a vu, hein? Lorsque tu viens caractériser une chose, il faut qu'il y ait un accord. En genre et en nombre. Et là, ce n'est pas possible. Kitabun al-ladhi. Huwa al-ladhi. Huwa, ça fait partie de ma'arif. Huwa, c'est un damien. هو الذي خلق السماوات والأرض تمام دونك فيت بيان اتونسون بار بروسا تمام الذي اسم موصول للمذكر المفرد هو مبني وهو من المعارف هو وهو المعارف وهو من المعارف تمام عندك لا شوز كي فيان افون ا بيت كو ديفيني لا بوت Je te dis, Kitabu Hamidin Alladhi Fi Tak Tak Tak Al Maktab. Kitabu Hamidin Ada Là, c'est quoi que là, là le ism al-mawsoul, il est en rapport avec qui là? Avec le kitab. Mais le kitab là, il n'y a pas de al. Aïwa, amma comme c'est une idafa. Alhamdulillah, les hamdini, les marais. Ah, ça va. Ah, là, là, ne fais-toi pas piger. C'est pas toute chose qui est dépourvue d'elle qui est indéfinie. T'aimes le fait que Kitab et Hamid, ou Kitab, il y en a qui sont dans Kitab et Hamid, t'aimes? Hamid, il est quoi? Il est défini. On avait dit quoi? L'annexion, le mandat, lorsqu'il est annexé à une chose qui est définie, il devient défini. Donc là, ma fiche est là, tu vois. Là, tu dis Kitab ou Hamidin, il a dit, t'aimes? Alors, il y a 12. Parce que ça, les deux là, ils sont définis. T'aimes? Et ça, on peut avoir Kitab ou Hamid. Kitab, Kitab Hamidi. Au fait, le Mubtada, c'est ça. C'est Mubtada, c'est Kitab. Kitab, c'est le tout. Mais si jamais tu veux faire vraiment là, tu diras Kitab, Mubtada. Oh, Mondaf. Mohamed, Mondaf, on l'aï. Ou Aladi, Ismo Monsoul. Tamam. Ou est-ce qu'après, il n'y a pas de. Vous verrez. Elle n'a pas de Mahal Fili Arab. Si elle est le Monsoul, elle n'a pas de Hala. Vous allez voir, Inch'Allah. Ça, c'est simple. C'est pour définir une chose, tu vois, c'est une manière de définir. C'est un signe sifa, Katalika. Ça, tu vas l'utiliser comme sifa. Elle l'a dit pour caractériser une chose, pour définir bien une chose, bien précise. Maintenant, tu dis Al-Kitab, Al-Kitab, Al-Kitab, Al-Kitab Maksour. Al-Kitab, on va dire Maksour. Al-Qalamu Maksour. Al-Qalamu Maksour. Tu veux préciser. Al-Kitab ou l'Adi. Ou Al-Qalamu l'Adi, Al-Maktabi Maksour. C'est pas n'importe quel Qalam. Je dis qu'un kitab, c'est pas n'importe quel qalam, tamam. C'est celui qui est sur la maktaba, celui qui est sur la maktaba, sur le bureau, je veux dire. Tamam. Donc tu viens, ça, c'est pourquoi ça, c'est pour préciser, c'est une sifa. Tamam, maintenant tu vas dire. Al-Akh, tamam, Al-Akh, Mudarrisun. Toi tu vas me dire, Man il-Akh. Tamam. Tu me poses une question, je te dis, Al-Akh, Yudarrisuni. Le frère, il me donne des cours, il m'enseigne. Tu vas me dire, Mani l'Akh, c'est qui? Quel Akh? Tu vas dire, l'Akh, elle a dit, Marra l'An, celui qui vient juste de passer un instant. T'es même? Tu vas préciser. Pour préciser une chose. C'est celui. Celui, si tu veux. Toi, tu veux la. C'est vrai qu'en français. T'es même, Ismo al-Mawsoul. Elle l'a dit, c'est Ismo al-Mawsoul. Vas-y, on va faire l'exercice numéro. Le numéro 2. Voilà. Là, maintenant, entre parenthèses, il veut que toi, tu rajoutes ces mots-là, l'espace. Il dit, Imla fil farar. تمام اما في الفرار فيما يلي بالنعت الذي تو بالنعت الذي بين قوسين سي با نيمبورت كيل ادجكتيف كاليفيكاتيف بالنعت الذي بين قوسين دونك انت دير رامبلي لي اسباس يعني سويفون avec l'adjectif qualificatif qui est entre el qosain c'est-à-dire entre les parenthèses بعد اش تحل اش تحليته بال انا من اون غروف تو راجوت ال تمام. Et ce na'at là qui est entre les parenthèses là, toutes les qualificatifs, il te demande que tu les mettes dans l'espace yani qui sont vacants là, tamam, et que tu rajoutes un L dans ces actifs. Vas-y, fais-le. Aïna al-mudarrisu jadidun. Aïna al-mudarrisu jadidun. Aïna. Là, faut que tu rajoutes alif, lam, ajadid. Aïna al-mudarrisu. Là, laisse Al-Ladi. Tu rajoutes elle, elle dans le. C'est tout basse. Et tu mets le truc dans la phrase. Pourquoi il te demande de mettre elle là? Parce que là, c'est un adjectif qualificatif. Là, lorsque tu es en train de parler, là, tu dis Aïn al-Mudarris. Yakfi, ça. Aïn al-Mudarris. Où est le professeur? Lui veut que tu rajoutes une précision. Tu sois plus précis. Que ce soit le professeur qui soit, Yanni, le nouveau. Donc Yanni, une sifa. On avait dit, la sifa entre le qualifié et le qualifiant, il faut qu'il y ait un accord. En genre et en nombre, en L et en défini ou en indéfini. Là, tu veux rajouter une sifa, là. Parce que tu as dit de mettre un na'at. C'est-à-dire, il faut que tu regardes à Awalan celui qui est qualifié, là. Comment il est? Est-ce qu'il est indéfini? Est-ce qu'il est défini? Masculin, masculin, arabe, singulier, pluriel? Aïna al-mudarrisu. Aïna al-mudarrisu. Aïna al-mudarrisu. Al-jadidu. Pourquoi al-jadidu? Pourquoi on ne parle pas al-jadidu? Là, parce que l'exercice, il demande ça. Il dit que tu prends l'adjectif qualificatif et tu mets elle. Tu l'accordes. C'est bon? Aïna al-mudarrisu al-jadidu. Parce que c'est un na'at. Et le mudarris est défini. Ça s'accorde. Vas-y, deuxième. Vas-y, fais le deuxième. Al-tajiru al-kabir fi souqi. الكبير الكبيرة الكبيري الكبير لماذا c'est un نعت c'est un نعت il s'accorde dans toutes les choses avec يعني on verra parce qu'il y a deux نعت تمام monsieur qu'on parle là il s'accorde يعني dans toutes les choses donc là si jamais il est là il est défini il est marfou tajar صح تمام le c'est quoi je dis tajar là il est défini il est marfou donc celui qui va venir après sera quoi défini et marfou vas-y ana talib qadim ana talibun hein أنا طالب القديم أنا طالب القديم يجوز جبل جاه لكن الآن c'est quoi que tu es en train de définir que tu es un ancien ou bien que tu es un étudiant qui est ancien que tu es ancien يعني dans l'âge tu vois تمام فايزان c'est pas صحيح Ah ouais? Non. Pourquoi? Parce que talibun, t'es en train de caractériser yani, l'étudiant. Et talibun, il est quoi? Il est indéfini. Ah. Donc ça ne peut pas être elle. Un talibun. Qadim. Ah ouais. Tamam. Jalasa, talib, le petit point, khalfa, Muhammad. Jalasa, talibu. Jalasa, talibu. جلس الطالب الجديد الجديدش الجديد نعم خلف محمد لماذا جلس الطالب خلف الدقيق جلس الطالب الجديد تمام نعم ومن عد خلف محمد لماذا بقتبا دي خلف محمد خلف او فات سيكم تحت C'est comme Amam, c'est comme toutes ces choses-là, yani tu lazim al idafa. Si jamais tu mets khalf, ce qui va venir derrière, ghaliban il va être mudafili. C'est comme on avait avec ba'd. Je pense qu'on a vu ba'd. Avec inda. Inda, taht, avec inda, avec amam. Toutes ces choses-là, là, tamam, lorsque la chose qui va venir derrière, tu ne casses pas les pieds, directement mudafili. Tamam, faizan khalfa Muhammadin. Mani. Ah ouais, ça j'ai oublié de vous dire. Ça c'est la liaison, tamam. Aslan c'est quoi? Men, tamam. Regardez men. Men. Chouf, men c'est jamais, il suit une soukoun. Men, aslan c'est ça. Tamam, il s'écrit comme ça. Tamam, men. Fatha, il noun, il prend une soukoun. Tamam, si jamais, yani il est suivi. Barakallahu fikoum, si jamais il est suivi. Voilà. Il est suivi de. D'une seconde. Tamam. Il est suivi d'une seconde. Comme on a dit, deux secondes ne suivent pas. Tamam. Donc qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Lorsqu'il y a un asl, c'est quoi? C'est que tu mets une kasra. Pourquoi? Parce que c'est khafif. Tamam. Al kasra, elle est khafif ala lisan. Mathalan, men damma ici. Manul walad. Taqil. Men fatha. Manal walad. من كسرة من الولد خفيف تمام الأصل lorsqu'il y a deux كسرة deux سكون qui suivent c'est quoi tu supprimes la première سكون et tu la remplaces par une كسرة من الولد تمام et après vous allez voir pour من من c'est l'axe parce que ça fait deux كسرة qui suivent c'est laquelle من تمام من on va dire من المشرق تمام لا كما انا دي كذلك الاصل تمام سين فتحه ام كسره يا دو سكون كيسيف لا باغي المشرق تمام يا دو سكون كيسيف كاس تو دو فير اوبجي تو سي بريم لا بروبلم تمام لكن كما انا دي دما تو با من المشرق ثقيل لا كسره كذلك هنا اللي ثقيله من المشرق صح من المشرق من المشرق فالشكل المناسب هنا في الفتحه C'est-à-dire qu'à chaque fois, en vérité, la qa'ida dans ça, tu vas prendre la voyelle qui est khafif ala lisan. C'est ça le truc. Et kathir min al-shishmul awqat, tu vas voir que c'est quoi? C'est la kasra qu'il va mettre. Kathir minha. C'est la kasra. Lakin, des fois, tu verras que la kasra, elle devient thaqila. C'est-à-dire que la qa'ida, c'est quoi? Lorsque deux secondes qui suivent, tu supprimes la première et tu ramènes la haraka qui est la plus khafifa, qui est la plus légère sur la langue. Et généralement, c'est quoi? C'est la kasra. Et ça peut être la fatha, la damma. Wallahu a'lam, je ne connais pas d'exemple avec damma. Tamam. Vas-y. Ana, c'était où? Man, vas-y. Man il walad. Man il walada, waladi, waladu. Waladu, walada. ولدي من الولد لماذا الاصل في الاسماء سيكي سو مرفوع على باز لو مو اللي مرفوع à part s'il y a une chose qui rentre qui va changer sa terminaison. Est-ce que man ça fait partie des choses qui rentrent qui font changer la terminaison? Là, donc il reste comme elle. Man al ايش اسمه من الولد من الولد من الولد طويل نعم الطويل الطويل الطويلة طويل لماذا parce que c'est un نعت تمام c'est un نعت النعت يشوي لمنعود dans tous ses états comment on dit يشوي يتبع يعني يتبع يتبع من الولد الطويل هذه بعدين الذي الولد الطويل الذي خرج الآن من من من Et là, qu'est-ce que c'est? Tu peux pas dire mini. Minal? Minal H? Minal? Minal Fasl H? Faslu, Fasli, Fasla. Faslu. Là. Regarde ce qu'il y a avant. Min. Min, la quoi comme particularité? Min, c'est un harf jar. Donc? C'est un harf jar, à la fin il doit être majrour. Donc, min al-fasli. C'est comme fi, c'est comme ala, c'est comme ila. Min, il change là, la fin du mot, comment ça s'appelle? En le faisant devenir h, majrour. Vas-y, ba'den, ammar. Ammarun, waladun, qasirun. Non, qasirun, parce que c'est na'at, de walad. Vas-y, Faisal, le septième. Faisal. Faisal h. فايس فايسالون فايسالون طبيب نعم فايسالون طبيب سهل ما مشي مشي سي باسكو سافا دير شهر لا شو هو سيب شهير شهي شهيش شهي سامف لا دافيني لا شهي أران رون غرين أران شهيرو سام si jamais t'as pas le début la fin tu dois la connaître parce que c'est النحو là c'est pas صرف لكن شهير célèbre ça veut dire célèbre renommé de طبيب et طبيب اللي هنا كيرا et اللي مرفوع vas-y لمن لمن هذا سرير مكسور مكسور سريع المكسور لماذا؟ لأن هذا النعت يتبع السرير نعم السرير ديفيني إلى مرفوع لمن هذا السرير المكسور هذه قلم هذا قلم مكسور نعم لماذا مكسور أنت بدي المكسور parce que c'est un nom du qalam. Donc qalam et qalam il est indéfini et il est marfou. Aina, vas-y, le dixième. Aina sikinu al-haddu. Al-ha, c'est-à-dire quoi al-haddu? Le tranchant. Il a le couteau, tranchant. Comment tu dis al-haddu? Haddu. Haddu. تمام اجي في الدعني لمن هذه لمن هذه سيارتكم لمن هذه سيارة جميلة اجي اكسيرسيس مورديس اون لير ان بو اتان افان سا شويه فيديو كابيلا vite fait. نعم. إذا الكلمة الجديدة المكتبة معروف. المكتبة سي شكون المكتبة la bibliothèque la librairie الآن maintenant à présent ظرف الزمن لكن بمعنى ايش tout de suite à présent تمام المروحة المروحة ما يجينا تنخيمة المروحة المروحة مر مر يا سيدي تبقى ما موي المروحة c'est quoi c'est le ventilo ventilateur تمام المستوصف المستوصف c'est quoi la clinique la clinique la clinique المدرسة الثانوية الثانوية c'est quoi c'est le lycée تمام المتوسطة c'est le collège الابتدائية c'est la primaire الجامعة c'est l'université تمام comment on dit la primaire المدرسة الابتدائية ça c'est la primaire comment tu dis le collège المدرسة المتوسطة ça c'est le collège الثانوية c'est le lycée المدرسة الثانوية c'est le lycée et l'université الجامعة la faculté الكلية faculté de kada wa kada wa kada كلية والماجستير هذه الأشياء c'est des mots qui ont été inventés ça fait pas partie de l'arabe doctorat تمام الوزير c'est qui c'est quoi plutôt c'est le ministre تمام الشهير célèbre renommé réputé حد c'est la quoi حد tranchant le couteau aiguisé vas-y on va lire numéro d'exercice numéro 10 تمام et si on a le temps on explique قال المؤلف الدرس العاشر حامد يدي من أنت vas-y moi je lis vous traduisez من أنت قال محمد أنا طالب بالجامعة تمام بالجامعة يعني الباء هنا on va voir كذلك حرف جر donc on explique comme ça vaguement parce que je pense pas qu'il reste beaucoup de temps on va expliquer la leçon vaguement les points qui sont là ensuite on détaillera yani, beaucoup plus mais au moins yani, tu sais c'est quoi le harf al-jar c'est un harf al-jar c'est à dire que la fin le mot qui va suivre il va être majrour qala anta talibun jadidun est-ce que tu es un étudiant un nouvel étudiant qala muhammadun faites attention quand lorsque vous traduisez le sens jamais mot à mot qala muhammadun na'am ana talibun jadidun oui je suis un étudiant nouveau un nouveau étudiant قال حامد من أين أنت؟ تمام؟ قال محمد أنا من الهند. Je suis de l'Inde. Je viens de l'Inde. حامد قال ما اسمك؟ regardez ما اسمك؟ quel est ton nom؟ يعني الآن on a vu les damaires qui sont monofaciles. تمام أنت من أنت؟ تمام؟ ça c'est des damaires qui sont monofaciles que tu peux pas attacher. تمام؟ il y a des autres pronoms que tu peux attacher comme c'est le cas ici. Pour dire, c'est quoi ton nom? Quel est ton nom? Tu ne vas pas dire Mesmu Anta. Tu ne dis pas Mesmu Anta. Tu as des damères, on va le voir, yani, que lorsque tu veux les annexer, tu ne vas pas pouvoir utiliser le damère monde facile. Parce qu'on va voir, les damères monde facile, ils ont une certaine place dans les arabes. Il y en a certains, ils sont marfou', certains d'eux, ils sont mansoub, certains d'eux, ils sont quoi? Majrour. Ceux qui sont marfou', ils sont bien ma'ruf. Tamam, ana, anta, il akhrihi. Ceux qui sont mansoub, comme vous allez le voir, les iyak, wa iyakum, wa tout ça, vous allez voir plus tard. Et ceux que maintenant tu veux utiliser pour l'idafa, majrour, tu ne peux pas utiliser anta. Tu ne peux pas utiliser kadalika, iyak, hadilashia, parce qu'ils ont une place bien précise dans la langue grammaticale, dans les arabes. Donc, yani, lorsque tu veux faire une idafa, masmuk, yani, masmu anta, tamam, lorsque tu fais l'idafa entre les deux, là tu vas utiliser un damir qui est muttasil, et c'est ces choses-là, kafé, tout ça, tamam. مسمك qui es-tu ou puis quel est ton nom تمام قال محمد اسمي تمام محمد كذلك c'est un damir متصل mon nom est محمد قال من هذا الفتى الذي معك ومن نعم ومن هذا الفتى الذي معك et qui est cet adolescent الفتى c'est l'adolescent qui est avec toi كذلك معك on avait dit, on va le voir, Inch'Allah, Mara, c'est pour yani, tout ce qui est pour évoquer la compagnie d'une chose. Et ce qui va suivre, c'est objet mudaf. Donc si jamais tu as la capacité de pouvoir lier la chose, puisqu'on va le voir aussi, ça fait partie des règles dans la grammaire. Lorsque tu peux lier une chose à un mot, le as, c'est que tu le lis et que tu le détaches pas. قال من هذا الفتى الذي معك هي دونك لو فتى كي معك قال محمد هو زميلي سي مو زميل سي كامراد زميل سي مو نامي صديق سي بلوس يعني ل تو سي تون سي سي كي بروش سي فريمون تون امي تو اي زميل سي كوم ان كامرا ان كوبان ديكول تو سكو فو دير سي با فورسيمون يعني تون يعني صديق سي بلوس لامي انتيم تمام اما زميل سي عام. Ça peut être quelqu'un que tu as une relation ou tu n'as pas une relation avec lui. Kala huwa zamini. C'est mon camarade. Mon camarade. Donc lorsque tu veux exprimer une possession, mon camarade, tu feras ça. Kala hamidun huwa aidan min al-hindi. Est-ce qu'il vient lui aussi de l'Inde? Kala muhammadun la huwa min al-yabani. Il vient? Non, il vient du Japon. Kala hamidun masmuhu. Quel est son nom? Tamam. قال محمد اسمه حمزة. Regardez, il n'a pas dit حمزةٌ. لماذا? Parce que حمزة c'est مؤنث لفظي. C'est pas مؤنث معنوي. Mais comme on a dit, à partir du moment que c'est un nom propre, si jamais après il est comment s'appelle مؤنث معنوي, كذلك زينب مثلا. Il n'est pas l'abdi, mais laquelle ma'na? Zainab, c'est pour une femme, c'est pas pour un homme. Zainabou. Ouais, ouais. Parce que c'est nom propre, et en plus, il est mu'annath. Laquelle mu'annath, c'est ma'na. Et Hamza, c'est un nom propre, laquelle c'est quoi? Mu'annath, l'abdi. Mais il est utilisé pour quoi? Le masculin. Mais à l'oral, il s'écrit comme? Ou plutôt, il s'écrit comme le féminin, donc il prend le même jugement que le féminin. Donc, il ne prend pas de tanwin. Ismuhu Hamzatu. قال حامد ما لغتك يا محمد؟ نعم. قال لغتي الأردية. ما لغة؟ الأردو. الأردو زي دي؟ نعم. الأردو. سلالة لغة كوزا. لا. لا. أردو. قال حامد. أهي لغة سهلة؟ سهلة. نعم. هي لغة سهلة. قال حامد وحمزة ما لغته؟ حمزة كيف سالون؟ قال محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة. Vous voulez pas? Hein? Sa langue est la langue du Japon et c'est une langue difficile. Sa langue est? C'est la langue du Japon. Et? Et le japonais et c'est une langue difficile. نعم. حامد أين أبوك يا؟ Ah, cette leçon-là, elle est riche. أين أبوك يا محمد؟ Où est ton père, Ya Mohamed, ou Mohamed? Donc là, on va le voir. Le As, c'est quoi? C'est Ab. Al-Ab. Hein? Mais d'où est sorti ce Wawala? On va le voir, Inch'Allah, que Yanni, ça fait partie de Asma, qui est lorsque tu as mentionné Rafa. Hein? Quel Asma? Le Waw de Asma, c'est ta, je ne voulais pas le citer, mais. Hein? Le Waw, on verra là, Inch'Allah, parce qu'on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui. Le Waw ici, on va le voir. Parce que le As, tu dis. Ab, tu dis om, tu dis tamam, tu dis ah. L'imad, le waw maintenant il apparaît. On va le voir. Non, c'est pas ça. Donc, lorsque c'est, on va voir, il y a six noms. Lorsque tu vas mettre une dafa, le waw il va apparaître. Il y a d'une manière simplifiée pour ne pas vous compliquer la chose. Qala Muhammadun. Esh Abi fil Kuwait. Ah ouais, je crois que c'est le couple, je me dis fou. Muhammadun, Abi fil Kuwait. هو طبيب شهير. Mon père est de Koweït. C'est un docteur célèbre. C'est un célèbre docteur. قال وأين أمك؟ Et où est ta mère? هي أيضا في الكويت مع أبي. هي مدرسة هناك. Elle est de Koweït également. C'est une. Elle est de Koweït également? Également avec mon père. C'est une professeure là-bas. Elle est professeure. Qala Hamid, et tu es déjà parti au Koweït, Mohamed? Donc là, on va voir, on avait vu le verbe al-madi, il avait prononcé, on avait comment s'appelle conjugué juste à la troisième personne du personnel, je ne sais plus comment ils disent là, singulier. يعني هو. Maintenant, on va le voir la deuxième. T'as même tu, quand toi tu parles. Non, je. Non, il parle à toi. Non, je pense à la phrase juste après. T'as même, Zahabta, t'as même. On va le voir. Comment tu dis, maintenant là, on a vu comment on disait, il est parti. Là, on va voir comment tu dis, je suis parti. Ou je suis. J'étais parti plutôt. Non, j'étais parti. C'est Madri. قال أذهبت إلى الكويت يا نعم لا نعم ذهبت oui تمام حامد وزميلك أين أبوه c'est camarade collègue où est son père أبوه on va le voir كذلك قال أبوه في اليابان وهو نعم هو تاجر كبير son père est au Japon C'est un grand commerce. ألك أخ يا محمد؟ ألك ألك أخ يا محمد؟ On l'a vu là, la possession. كاف, c'est pour dire toi. Non. As-tu un frère, يا محمد؟ Parce que c'est la possession, il demande. T'as même? T'as vu? Là, c'est la possession qui dit. ألك أخ يا محمد؟ أخ, c'est un frère. ألك أخ يا محمد؟ يا محمد قال نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي وهو معي نعم وهو معي معي معي معي نعم وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس مهندس تفضل وي جي ان فرير نعم سونو سونو اي اسامه تمام pareil اسامه هنا سي ان كوا نوم بروبر لفظي يعني معنوي ايش بدي اقول مؤنث لفظي donc il prend pas de tanwin اسامه تو Il est avec moi yeah. dans cette école. Là, il Medina, Al-Munawara. Il est Medina. Il est dans cette ville. Là, le Medina, c'est le Medina, c'est pas. Al Medina, il est Medina Al-Munawara. C'est Medina Al-Nabi, c'est ça. On avait dit, Munawara, Arsène, c'est celui Al-Medina Al-Nabawiya. Il est avec moi, Medina. Naam. Wadiya, j'ai aussi une sœur. Et j'ai combien? J'ai aussi une sœur. Son nom est Zeynep. D'accord. Et. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle est. Elle est en Irak. Ouais. Avec. Avec son mari. Donc écrivez le vocabulaire en son si vous connaissez pas. Son mari est un ingénieur. D'accord. Tamam. Qala Hamid, a'indaka sayyaratun ya akhi? Est-ce que tu as une voiture, H عندك السيارة يا أخي As-tu une voiture, mon frère قال محمد لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة Non, je n'ai pas de voiture, j'ai un vélo. Hamza, lui, a un vélo. Ah, une voiture. Là, il y a beaucoup de... Ouais, mais c'est... Celui qui ne vient pas demain, il est cuit. Il est cuit. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابي